See the girl with symbols on her fingers entering through the door. Ruby glistening from her navel, shimmering around the floor. Bells a beep go ting-a-ling-a-linging, going through my head. Sweat is falling just like a teardrop's running from her head. Now she's dancing, going through the movement, swaying to and fro. Body moving, bringing back a memory, thoughts of long ago. Blood is rushing, temperature is rising, sweating from my brow. Like a snake, her body fascinates me, I can't look away now. Stop, stop, stop all the dancing, give me time to breathe. Stop, stop, stop all the dancing, or I have to leave. Now she's moving all around the tables, luring all inside. But I know that she cannot see me, hidden by the light. Closer, closer, she's getting nearer, soon she'll be in reach. As I enter into a spotlight, she stands lost for speech. Stop, stop, stop all the dancing, give me time to breathe. Stop, stop, stop all the dancing, or I'll have to struggle, knocking over tables, spilling all the drinks. Can't they understand that I want her? Happens every week. Heavy hand upon my collar, throws me in the street. Stop, stop, stop all the dancing, give me time to breathe. Stop, stop, stop all the dancing, or I'll have to leave. Hey, arrêtez-moi ça, là. Pourquoi, premièrement, j'aimerais savoir, Madame Moreau. Oui. C'est vous qui... C'est moi qui catalogue. Qui quoi? Qui catalogue. Vous venez de... Ouais, c'est tout frais. Tout frais, tout beau, hein? Non, mais vous programmez une chanson anglophone. Et puis, je prends le micro. Prenez-le, le micro. Bon, mais je vais le... Pas trop loin. Pas trop loin. Un peu plus loin. Un peu plus proche, non? Prenez le pas, puis parlez, exprimez-vous. Ben, j'ai rien à dire. Pourquoi avez-vous programmé une chanson anglophone? Ben, parce que l'anglophonie nous entoure. Hey. Avez-vous entendu ça? L'anglophonie. L'anglophonie. C'est, y a une symphonie de mots étranges. Oh! C'est un étrange... Ça peut... C'est une étrangeté, c'est une étrangeté. Tu te prends pour qui? Pour un rejeté. Un rejeté? Un rejeté de la francophonie. Oh! Ça fait partie de la francophonie. Oh! OK, ça, c'est l'expiration du mot qui tente de traverser ton esprit. Vous êtes bien gentil, là, mais il n'y a rien qui veut traverser là-dedans. Là. Oh. C'est comme des courants de bière. C'est pas des courants de bière, c'est des courants d'air. Courants de bière, courants d'air. Qui le sait? Ben, qui le sait? L'auditeur le sait. Hey, ça, c'est ça quand on s'adresse à des gens intellectuellement plus élevés que la normale. C'est KRL, là, c'est à la fine pointe du génie. Hey, tu parles de qui? Ben, des auditeurs. Ben, les animateurs. Ah, oh, ben ça. Avant minuit, le vendredi, c'est merveilleux, là, mais entre minuit et deux, dans la capsule, je tiens à vous le dire, là, pas partout, là, la seule capsule où l'intelligence est mise sur le support du cartésianisme. Oh! Du réalisme. Ah, oh, ben ça, je préfère ça. Ben alors, c'est à ce moment précis, de minuit à deux, que tout s'arrête. Oh! Il y a un frein. Oui, un frein. Et nous plaçons, un peu comme je le souligne quelquefois, là. Mais la méthode Jenny Hendrix, Jenny, pas la petite souris, ben c'est pas une de nom. Madame Tremblay, depuis quand Jenny c'est une souris? Mais moi, je connais pas ça, moi, les animaux. Mais non, Jenny, là, le chanteur guitariste, le chanteur de guitare. Ah oh, oui, OK, Hendrix. Oh, Hendrix. Jenny Hendrix, c'est pas Jenny, c'est Jimmy. Jenny, on l'appelait Jenny, c'était notre ami. Il jouait de la guitare comme les autres. On peut-tu l'entendre plus tard durant l'émission? On ne sait pas. Il jouait de la guitare comme les autres. Il s'est électrocuté. Comment? Il s'est électrocuté. Quel est commis? Il s'est électrocuté, c'est pas de sa faute. Oh, Jimmy. On l'appelait Jimmy. Il est pas mort électrocuté, Jimi Hendrix. Selon la CIA FBI, hey, c'est des agents plus que secrets, très secrets. Tellement secrets qu'un ne sait même pas que l'autre travaille chez lui, parce qu'il ne faut pas, ébruiter les gens qui gravitent autour de la CIA. Et le FBI. L'équipe SWAT, ça, c'est une autre chose. C'est l'équipe mouette. Ah, ben, moi, je suis plutôt dans le mouette. Hein. Ah, après 2 heures d'errance rénaldienne, là, je suinte de tout mon corps. Oh, ceci est ma suinte. Livrée pour ma piscine l'année prochaine, parce que je veux pas mettre d'eau. Je trouve que ça se coûte cher d'eau, puis on perd notre eau à remplir d'eau piscine. Le Québec, là, c'est pas compliqué. Si vous venez ici, là, vous êtes du Népal, exemple. Non, ils viennent pas du Népal, là, ils parlent français. Oui, mais qui dit que les Népalais ne parlent pas français? Ben, moi, je te le dis, ben voyons. Quelle langue parle la Népalaise? Oh! La Népalaise parle... je le dis souvent, ça. Je sais pas pourquoi j'ai comme... un court-circuit sur le Népal. C'est pas un pays que je vais visiter une fois dans ma vie, moi. Je veux pas voir le Népal. Ben, à force d'en parler, ben ici, il y a des... Attends. S'il y a un... Comment tu les appelles, les gens qui... pas un aumône, un aumônier. Un aumônier, il peut t'amener au Népal, mais... Oh oui, c'est vrai. Il peut m'amener n'importe où je veux. Mais un mécène, oui, un mécène. Est-ce que ça a une jupe, un mécène? Ben, si tu veux, ça peut avoir une jupe, des boucles d'oreilles, puis un rouge à lèvres. Ça dépend de tes fantasmes, mon petit champion. Ben moi, mon mécène à moi, il me parle d'aventure. Oh, et donc, il veut m'amener sans doute au Népal. Oh, alors quoi? Il veut débloquer un budget. Débloquer un budget pour faire une rencontre avec, je sais pas, la chanteuse népalaise de l'endroit. Oh, parle la ping la pong. Oh, la ping la pong est une chanteuse. Ben, c'est une ancienne joueuse de ping-pong, mais qui n'a pas réussi ni dans le ping-pong, ni dans la chanson. Mais elle est maintenant dans la chanson instrumentale. C'est-à-dire, elle fait chanter ses cordes vocales. Qu'est-ce que t'as dit? Est-ce qu'on peut réentendre? Non, il a dit cordes vocales. Oh, mais là, c'est pas à être jugé. On l'a pas entendu. On a comme entendu. Notre oreille a capté d'autres choses. Ben oui, mais c'est ton micro qui a la difficulté à parler. Ben non, c'est pas le micro qui parle, c'est ta bouche. Ah ouais, c'est... Je pense qu'il y a comme un contingentement contre l'animateur. Mais il est même pas encore arrivé. Hey, c'est vrai ou ce qui est pas aussi, Réginal? Ben là, on l'attend. Est-ce qu'on peut l'appeler, Réginal? Non, pas d'appel. Non, pas d'appel ce soir. Plus d'appels. On a eu des mauvais appels. On a eu des rappels, puis on a continué. Vous vous souvenez, il y a 3 semaines? Non. Ben oui, il y a 3 semaines. Non. Ben, il y a 3... Tu te souviens pas, il y a 3 semaines? Ben, j'ai de la misère à me souvenir de ce que je viens de dire là. Ben, tu as dit 3 semaines? Ben, 3 semaines. Il m'en reste juste 3 à vivre. Ben, c'est déjà beaucoup trop pour toi. OK. 3 jours. Beaucoup trop. 3 heures, beaucoup trop. Eh bien, c'est pas 3 minutes. Ça va, mais je peux même pas faire une chanson progressive. Ça dure 25 minutes, une chanson progressive. C'est pour des gens qui aiment bien la répétition. Non, on t'appelle, ça c'est de la musique répétitive. Répétitive, oui. C'est, on va te répéter la répétitive, tu vas voir ce que ça va te faire. Non, mais Jimi Hendrix, ah oui, FBI, CIA, Interpol, extraterrestre, avenue. Aimé Elohim, Mouvement Réunien, Suzanne, Jean-Claude, Magie et Fantasme. Tu dégonfles toujours. Moi, sur le Fantasme, ça finit plus. C'est comme ma poupée qui... Ah non, là, c'est ta poupée. Alors, Jimi Hendrix! Oh, on revient là-dessus. Ben, il faut revenir sur ce corps. Oh. Est-il étalé? Ben non, il était pas étalé, il était assis. Là, il y a quelques semaines, j'ai parlé de mon ami Sad. Oui. Je lui ai dit qu'on lui avait tranché la langue. Oui. Il y a des auditeurs et des auditrices qui ne croient pas en ma vision de cet auteur scandaleux. Oh! Incroyablement scandaleux. C'est pour ça que nous le nommons et que nous l'aimons Errance Rénaldienne. Alors, je le dis encore, Jean-Paul Sade. Jean-Paul Sade, c'est les gens sont mêlés. Non, non, c'est pas Sade, c'est Sade. Ouais, c'est pas Sartre, Jean-Paul Sartre, c'est Sade. Oh, le marquis. Le marquis de Sade. C'est pas le marquis de Sartre, c'est de Sartre. Eh, hey, vois-tu, toi, le Sade, le Sartre. On s'en sert-tu de ton Jean-Paul, n'est-ce pas, Jean-Paul? C'est pas Jean-Paul, c'est le marquis de Sade. Ouais, le marquis de Sade. Continue à pleurer, moi je vais me mettre à réfléchir. Ah, mais ça peut être long, hein? La semaine dernière, ça a pris 3 semaines. 3 semaines et demie. 3 semaines et demie. On est encore sur l'enregistrement de il y a 2 semaines. Hey, ça c'est... Là, tu divulgues des affaires que les gens devraient pas savoir. Excusez-moi du rire de cochon, là. C'est parce que le nez, c'est comme empalé vers ma respiration. Non, inspiration. Hein? Respiration, inspiration. Ça t'inspire quoi, l'inspiration? Ben moi, c'est de respirer à l'envers. Bon, OK. Alors, on va revenir à mon ami Jimi Hendrix. Oui. Il n'est pas mort. Comme les gens le disent. Ah oui, non, je parlais de Jean-Paul Sade. Ben, lâche le Sade, c'est le marquis de Sade. Rien à voir avec Jean-Paul Sartre. Parce que Jean-Paul Sartre est associé à Simone... Juliette, Françoise ou Simone, quel que soit le nom qu'on leur donne, qu'ils soient petits ou grands, cheveux raides ou frisés, j'ai tout envie de les embrasser. Mais hélas, que Dieu me pardonne, mon cœur à café qui, mon cœur n'appartient à personne, c'est mon cœur. Il pompe mon cœur, il tâtonne, il chatonne, il plutonne, il saponne, il chaponne, il chaponne, rien, il chatonne, il taponne qui? Il taponne le marquis de Sade. Donc, il y a des auditeurs, il y a 3 semaines, qui m'ont dit, ah, c'est des auditeurs, ils m'ont dit, Jean-Paul, lâche-moi le Jean-Paul. Le marquis. Le marquis de Sade ne s'était pas fait couper la langue. J'aimerais que ces gens-là donnent la leur au chat. Donc, on va revenir avec la FBI, la CIA, l'équipe SWAT, les extraterrestres et les extraterrestres, parce qu'en haut puis en bas, ça fait quoi? Ça fait le milieu, en haut, en bas. Si tout le monde se rapproche en même temps, on va arriver au milieu. Oh, le milieu de la planète! À quel endroit se situe une question quiz? Quiz! Oui, merci, c'est la question quiz, oui. Pesez sur votre pouiseur. Quiz! Oui. Merci pour la question quiz, mais on n'a même pas posé la question. À quel endroit se situe le milieu de l'univers? Quiz! Oui. Allez-y, monsieur. Vous êtes monsieur? Jimi Hendrix. Oh, mon Jimi Hendrix. Êtes-vous mort? Moi, j'en parlais tout à l'heure. OK. Alors donc, le centre de la planète, c'est? Le trou du noyau? Est-ce qu'on peut se concocter? C'est pas se concocter.

The next one is sort of a striptease tempo. We don't do it, we just talk about it. Oh, heck. No, not in Carnegie Hall. It wouldn't look right at all. Somebody moans. Do you moan? Do you... Well, Lenquin, you've finished moaning. What tempo? Yeah, now moan. Really moan. If you're blue and you don't know where to go to, why don't you go where fashion sits, putting on the Ritz. Different gowns upon a bevy of high brows from down the levee, all misfits, putting on the Ritz. That's where each and every Lulu Bell girl, every Sunday evening with her swell bows, rubbing elbows, come let's mix, where Rockefellers walk with sticks and umbrellas in their midst, putting on the Ritz. If you're blue and you don't know where to go to, why don't you go where fashion sits? Different gowns upon a bevy of high brows, run down on the levee that fits. That's where each and every Lulu Bell goes, every Sunday evening with her swell bows, rubbing elbows. Come, let's mix where rock and roll, let's walk with sticks and umbrellas in their midst, putting on the Ritz, putting on the Ritz, putting on the Ritz. Non, c'est Julie qui m'a... Je pouvais pas aller plus haut que ça, là. Madame... voyons donc. Qui peut égaler Madame Julie? Ben, il y a Gordon. C'est vrai que Gordon, là, il pose souvent Julie. Hey! Sans Julie, il me semble qu'il n'y a pas Gordon. ce n'est pas un couple? Je sais, Madame, vous êtes au courant, vous? Ben, moi, devant toutes les... Oui, les artistes, comment vous l'appelez? Moi, je l'appelle Gordon. Gordon... Love me, Garland. Pas Garland, c'est Garland, Garland, Garland. Go! Garley Garland. Non, on connaît Julie Garland. Julie? C'est pas Julie, c'est Judy. C'est Judy. C'est Liza Minnelli. Ah, arrêtez donc, vous, là. L'absurde, qu'est-ce que vous connaissez là-dedans, dans le musical, dans le Broadway, dans Las Vegas? C'est Frank Sinatra. Comment il s'appelle? Dean Martin, Sammy Davis Jr., Jerry Lewis, le Tabarnouche. Non, le Tabarnouche, il joue bien. Hein? Le grand succès de Tabarnouche, c'est... oh oui, c'est... Oh, I'm here, we're a bit, we're a bit, we're a bit, we're a bit, we're a bit, we're a bit, a bit. Il chantait pas le tabarnouche, il chantait pas le tabarnouche. C'est pour ça que le public disait, ouais, chante tabarnouche. Là, il disait, we're a bit, we're a bit, we're a bit, we're a bit. Oh, we're a bit, we're a bit, we're a bit. En fait, il voulait faire ombrage à Michel Legrand. Ah, mon Dieu, pas celui qui fait... Zala zwala zwi. Zwala zazwa. Zwala zaza zwi. Ah, monsieur, pas Michel. Zwala zazwa. Des parapluies de chars d'amour. Où sont ouverts? Et moi, j'essaie de m'envoler comme Marie-Po. Pinna, pinna, wadadada, winnale, dinnale, zinnale, ninnale. Voyons donc, c'est pas... c'est une comédie musicale, là. T'es pas prêt, c'est entre le folklore, Michel Legrand, puis le petit Lemieux. Ah, oh, le grand petit Lemieux, le très grand petit Lemieux. Hey, j'ai pleuré quand je l'ai entendu la première fois. Moi, je dis le petit. Il dit non, je suis le mieux. T'es-tu le mieux dans le petit? Ah, je suis mieux dans le grême. Ah, c'est comme Michel. Ah, c'est mêlant, ces histoires-là, madame. Oh, j'aimerais tellement m'endormir, m'étendre sur l'asphalte et me laisser grandir. L'absurde aventure de l'errance rénaldienne s'ouvre à l'instant. Nous marcherons ensemble, nous défricherons les chemins narratifs. Qu'est-ce qu'il dit là? Ça prend combien de secondes avant que ça se rende à ta neuropsychiatrisée de cervelise ensanglantée par trop de cheveuses? Oh! Moi, c'est... Deux années-lumière? Ah, oh, mon Dieu! Toi qui n'es pas une lumière, deux années, c'est long, hein? C'est très long. Oh. Je vais demander à mon épouse, ma sainte épouse, mais j'espère, Sainte Marie, Mère de Dieu. Oh! L'absurde aventure de l'errance rénaldienne, je la connais pas, elle. S'ouvre à l'instant. Ben oui, c'est ma nouvelle concubine. Oh! Nous marcherons, j'aime ça quand tu dis concubine. Concubine. Ah, oh, mon Dieu, nous marcherons ensemble. Nous défricherons les chemins narratifs. Et voici le pitre qui change le chapitre. Arrivez quand même! Ben, ah oui, arrivez quand même, vous là. Ah! Là, chez moi, il est arrivé quand même. Il y a trois micros, il n'y en aura pas un de plus, OK? C'est moi qui décide. C'est moi l'insignifiant du micro. C'est moi qui propage. Je propage quoi, moi, là? Tu propages des mots. Ah, mon Dieu. Je pense que ça fait pas plaisir à tout le monde. Là. Imaginez-vous là, le professeur de français universitaire, qui est quand même un grand, grand, grand intellectuel du langage et de la description narrative et de tout ce qui s'ensuit. Qui s'ensuit qui? Qui s'ensuit qui? Qui s'ensuit les mots? Ah, mon Dieu! Il s'essuie quoi? Il s'essuie le sens à travers les mots, lui. Il s'ensuit là, toute la morphologie langagière, toute la palpitation du système syllabique. Ah, mon Dieu! Il peut pas se reposer le syllabe, non. Ben non, c'est un savant flou, un savant très flou. Ah, il voit rien, là. Ben, en fait, il voit tout, mais il voit pas grand-chose dans sa vie. Il voit que les mots, il se raccroche aux mots, un peu comme sa liane de Tarzan. Mais non, c'est comme la liane de Tarzan. Ben là, lâche-moi la liane de Tarzan. C'est pas une liane, lui. Je peux pas le mentionner. Il est quelle heure ici? Ah, il est trop tôt. L'absurde aventure, pourquoi? Pour dire la liane? Ben non, dire Chita la banane. Chita la banane. Ah ouais, moi, Chita. Ah, Wadi Chita, ah, Wadi Chita. L'absurde aventure de l'errance rénaldienne s'ouvre à l'instant. Nous marcherons ensemble, nous défricherons les chemins narratifs et voici le pitre qui change les chapitres. Un petit rire. Ça fait plus humain. Il me semble que c'est pas arrangé en studio. C'est pas un beau rire, ça, OK. On va faire un rire tout à fait préparé pour les circonstances. La circonstance. La. Hein? Non? OK. On coupe au montage. Il n'y a pas de montage. On coupe. Il n'y a pas de coupe. Il n'y a pas de ciseaux. Il n'y a pas de scalpel. On peut pas. On continue. On y va plus loin. Comme le disait Jean-Pierre Ferblanz. Ah, ben Ferblanz, parce que plus il y a de blanc, moins il s'en souvient, lui, là, qu'il a chanté. Un peu plus haut. Un peu plus loin, je veux aller encore plus loin. Prends ma main, tiens-les bien, je ne veux pas faire de faux mots. Encore un bas, un petit bas, encore un mot et je suis là. Tantôt, si tu me regardes pas, j'apparaîtrai sous un autre regard. Il est tard, hein? Arrête de bailler, là, c'est l'absurde aventure de l'errance rénaldienne. Nous marcherons ensemble, nous défricherons les chemins narratifs et voici le pitre qui change de chapitre diégétique. Votre itinérant langagier, Rénal Gagné, aujourd'hui, le vendredi 25 novembre, un mois après... Non, c'est avant. Un mois avant. Avant l'anti-Noël. CKRL vous proposera un anti-Noël Moi, c'est 2 heures là, à la station, mais si vous allez sur le site, ça en sera 4. Ça en sera 4, ça en sera 4 heures. 4 heures, oui. Si vous appelez la station, vous leur dites « Hey, on veut l'intégrale », vous l'aurez. S'il n'y en a pas, au contraire, on va couper, on va vous en offrir que 2. Mais vous pourrez aller voir sur le site pour en avoir 4. Propagez ça à vos amis, là. Hey, c'est une émission étrange, bizarre. Il y a des invités bizarres. Puis, hey, à cette. Excuse-moi. Hey, ça va bien? Hey. Hey, monsieur, ton niveau mental, hey, il est dans le high. Oui, monsieur. High, il est dans la roue, le roue. Pendant la période des fêtes, là, on consacre pas 2, pas 3, mais 4 émissions au groupe Raoul Petite. Oh! Carton. Oh! Oui, monsieur. Pour les gens qui ne savent pas ce qu'est Carton, vous entendrez une pièce après le bloc qui suivra mon propos. Le propos, ben le propos que je dis, que tu dis. Ben, que maintenant, qu'est-ce qui se passe après un temps? Maintenant, il y a des quoi? Il y a de l'écho? Non, il n'y a pas d'écho. Il y a des mots? Oui. Que des mots? Ben, que des mots. Il y a aujourd'hui, le vendredi 25 novembre 2011, OK. Les errances rénaldiennes présentent plus de route pour nous et entre nous. Ça, c'est classique. Tu pleures-tu? Non, je pleure un peu. À peine. J'ai la gorgotte qui grelotte. Laissons sur la chaussée les valises trop lourdes, les problèmes liés au boulot et sous-boulot. Et au ciboulot. Ciboulot, oui. Confions la boussole aux gestionnaires de nos entreprises en manque de direction. Oublions les embarras familiaux, l'école. Bref, apaisons la dure réalité qui attaque notre quotidien. Et pour nous envelopper dans une atmosphère narrative, unissons-nous autour de l'artiste multidisciplinaire Nina Savary, mais beaucoup plus disciplinaire que multi. Elle est très, très disciplinaire dans son ouverture vers le niveau artistique qu'elle veut franchir dans ce monde que l'on appelle la Terre. Oui. À part ça, qu'est-ce que tu veux dire autrement? Ben, l'existence. Merci, monsieur. De rien. Nina Savary est une fille que j'ai adoré rencontrer en juillet dernier, qui est une chanteuse et une comédienne qui débuta à la Scala de Milan à l'âge de 5 ans. Enfant du Magic Circus, elle suit les tournées de pays en pays, étudie le piano classique, fait des études littéraires américaines, se forme à la comédie, elle danse, elle rencontre Jacques Higelin, Alfredo Arias, Rénal Gagné, Georges Lavelli, Jean-Baptiste Terrier, quoique Rénal Gagné ne l'a pas du tout impressionné, et c'est tant mieux pour elle parce qu'elle s'est rendue compte que c'était... C'était quoi? Ben, c'était un errant rénaldien. Et Victoria Chaplin. Elle joue... Chaplin, ça dit, j'espère, quelque chose à plein de personnes ici. Mais moi, Chaplin... Chapelet. Ah oh, oui, comment t'appelles ça quand tu fais des prières? Oh non, pas un chapelet. Ah non, oui, un chapelet. Comment qu'elle s'appelait, non? La belle Barbara, elle était au Châtelet. Ah, bon, non. C'est Chaplin. Chaplin, oui. Chaplin. Ça, c'est un studio? Non. C'est un théâtre? Non. Là, concentre-toi. Oui? Si je te dis Charlie Chaplin. Charlie Spencer Chaplin. Spencer Tracy! Ben non! Charlie Spencer Chaplin. Qu'est-ce que c'est? Un écrivain, pour moi, c'est un vain personnage. Ben non! Les temps modernes. Pour être moderne, pour moi, c'est trop moderne. Le dictateur. Oui, monsieur. Le cirque. Ah, mon Dieu. Les films muets. Ah, ça me dit absolument rien. Hey, Charlie Chaplin. Non. Le monsieur avec la canne, la moustache, le chapeau. Voyons donc, c'est un clochard. Mais est-ce que pouvez-vous m'arrêter avant que j'étripe ce personnage odieux venu d'ailleurs? Nous sommes ça, oui. Comment, oui, vous êtes là? C'est ça, couchez-vous, vous êtes en retard, oui, c'est l'errance rénaldienne actuellement, là. Ça fait presque 45 minutes que ça existe, puis là, on dit Charlie Chaplin, personne n'existe, là. On connaît pas ça. D'où ça vient, ce côté intellectuel-là, à cette émission-là? Ça en est incroyablement gênant. Là, je me place en dessous de la table. Ben, vas-y pas, Charlotte va te suivre. C'est vrai que Charlotte aime ça quand je me place en dessous de la table. Ben oui! Tu le fais la chaise? Non, je fais la petite table. Oh! Et elle fait... Elle fait tout. Alors donc, elle joue dans de nombreux spectacles de Jérôme Savary, son papa. Jeune première dans Mistinguette auprès de la grande Liliane Montenchevi. Je voulais pas le dire. Liliane Montenchevi. Elle reprend après Clotilde Courau le rôle-titre de la comédie musicale Irma la Douce. Elle est aussi danseuse sur pointe dans une chanson de David Bowie. Et le spectacle de Boris Vian, Une trompette au paradis, est actuellement en tournée un peu partout en France et bientôt sans doute au Québec. Réclamez-la, elle viendra. Voyage chargé de cette émission qui nous arrivera... Qu'est-ce que vous dites là? Mais qui nous arrive maintenant aux oreilles? Ben oui, mais comment vous vous êtes coupé là? Ben je me coupe pas, c'est ma bouche qui m'arrête. Ah, oh, mon... Hey, c'est un vrai, c'est un solide. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? On tourne la musique. Jusqu'à 2h du matin à l'errance rénaldienne. Bonne soirée à vous. You built me up to a waterfall. We made up and then quarreled again. All over nothing at all. You pinned a note to the wall. I thought at least you would call. But I never heard, not even a word. All over nothing at all. If you ever come back, well, I'd be so nice to you. If you never come back, I'll be with the crazies pushing up the daisies. I watch the clock on the wall, wait for your step in the hall. It's hard to conceive, hard to believe, it's all over nothing at all. We made up and then all over again, all over nothing at all. You pinned a note to the wall. I thought at least you would call. But I never heard, not even a word, all over nothing at all. If you ever come back, I'd be so nice to you. If you never come back, I'd be with the crazies washing up the daisies. I watch the clock on the wall, wait for your step in the hall. Say it's hard to conceive, hard to believe, it's over and we're all through. It's hard to conceive, hard to believe, it's all over nothing at all. Tu étais une langue. Une langue? Une langue de quoi? Une langue parfaite. Dreyfus a dit une langue de vipère l'année dernière. ouais. Non, mais une langue parlée. Une langue parlée, l'anglais, je crois. Pourquoi? Je crois que c'est la langue émotionnellement qui me parle le plus à travers... De par ma culture musicale, cinématographique, théâtrale,

on a 50 ans, quand on a 58, quand on a 59, quand on approche 63, puis 78 nous regarde avec son visage de 81. C'est pas drôle quand on est un adolescent de 91 ans avec une seule dent qui nous dit maintenant c'est le temps. C'est le temps. Là, ici, maintenant, attribuons la place à mon ami Charles Bukowski. Ouvrons-lui un petit coin de bar. Laissons-le nous suggérer une improvisation à partir de la première phrase d'une de ses nouvelles extraites de son recueil. Les gens ont rien vu. Non, ils ont tout entendu. Ouvrons-lui un petit coin de bar. C'était beau, hein? C'était comme ecclésiastique. Oh, monsieur. En prière. En réflexion. En génuflexion sur une parole qui nous a amené à un moment donné à une certaine émotion. Moi, lorsque j'étais padolescent. Qui? Padolescent. Je ne connais pas. Non, tu ne connais pas padolescent? C'était entre... après l'enfance puis avant l'âge adulte. Selon les psys, il y a plusieurs strates à l'évolution de l'espèce. Dans d'autres sphères de la planète, c'est très simple. J'ai déjà dit à l'émission Errance Rinaldienne, en Afrique, dans la brousse, c'est pas compliqué, là. Hey, on n'amène pas de psy là, là. Il n'y a pas de jeunes enfants, de prépubères, bébé, l'air. Il y a un enfant puis il y a un homme. L'enfant rentre dans la forêt. Lorsqu'il ressort, avec un animal capturé mort, c'est un homme. Sinon, c'est quoi? C'est Madame Tremblay, mais c'est un mort. C'est un mort. Donc, c'est pas un mort. C'est un mâle ou un mort? Un mort. Un mort? Un mâle? Et je lui ai dit un mort. Et monsieur, pas un mâle. Non, un mâle lorsqu'il sort. Sinon, c'est un mort. Ça peut être un mâle aussi s'il est mort. Wow, oui, ça, c'est vrai. Là. Ça dépend de la bête. Lorsqu'elle est très lumineuse, ça fait quoi? Ben, ça fait une bête lumineuse. Ben, voilà. Alors, on risque de quoi? De revivre, de monter sur elle et puis de transcender. Là, pour transcender, il faut être mort. Ben, c'est ça. Lorsqu'on est une femme en Afrique, c'est pas compliqué, là. Quand on est accouché, on a accouché, c'est une femme. Non, c'est pas comme ça, c'est comme une femme en Afrique. Les menstruations, oh oui, lorsque la jeune fille a ses menstruations, c'est une femme. Il n'y a pas le prépubère, il y a toute une menstruation, c'est une femme. Ah, c'est pas l'enfant, ben non, l'enfant vient après, là. Mais quoique, je sais pas, je suis jamais allé dans ces territoires exceptionnels. On m'a jamais invité, là. Errance Rinaldienne est là pour vous, là. Amener les billets, puis amener les vedettes, puis on va être là. Les vedettes, ben je sais pas, là, des sommités. Oh, ouais, on aime ça, des sommités, ici, à RSNL. Nous en avons une, ici. Une vraie, une véritable, Nina Savary. Ah, mon Dieu, quelle grande vedette. Je suis très heureux de l'avoir rencontré. Et puis là, on va faire une improvisation. C'était prévu, mais là, je veux lire, là. C'est pour ramener le sujet. Ah, mon Dieu, c'est calculé à la courte pointe. Courte pointe, ben, dans le tricot, c'est quoi? Une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'envers. Mais non, c'est la courte pointe. Ah, la courte pointe, t'as pas courte pointe. La courte pointe, t'as pas courte pointe. La courte pointe, t'as pas courte pointe. La courte pointe, t'as pas courte pointe. La courte pointe, t'as pas courte pointe. T'as pas courte pointe, t'as pas courte pointe. T'as pointe, t'as pointe. Et monsieur. Ah, on la complique. Quoi? L'émission. Mais non, c'est simple. OK. Là, ici, maintenant, attribuons la place à mon ami qui? Charles Bukowski. Oui, Charles Bukowski. Ouvrons-lui un petit coin de bord. Laissons-le nous suggérer. Hey, c'est tellement beau. Merci. Qu'est-ce qui est beau, là? C'est nous suggérer ou... Bon, il sait pas. C'est quoi? Qu'est-ce qui est beau? L'émission. L'émission est belle. L'animateur, il n'est pas que beau. Oh, il n'est pas que beau. C'est quoi? Dans l'eau? Dans l'eau, oui. Puis il n'est pas que beau dans l'eau, là, ça coule des fois. Mais quelques fois, mais pas souvent. Errance rénaldienne sans voix, souvent. Oh, pas vrai, tu ne diras pas. Ben oui, en l'air. En l'air, ben oui. Si c'est pas en bas, c'est en l'air. Tout ce qui est en l'air n'est pas en bas. Hey, t'es fort. Je suis très fort, moi, là. Je me sens comme un petit poids. Un petit poids dans le cerveau. Comme la majorité du genre humain. Ah, mon Dieu, ça l'était. Bon, on l'a dit. Laissons-le nous suggérer. On va le dire. Laissons-le nous suggérer une improvisation à partir de la première veille. Le bègue en moi se réveille. Endors-toi, le bègue. Le bègue, on demanderait de. Hey, c'est tellement beau. Merci. Est-ce que tu peux dormir? Oui. Il dort. Laissons-le nous suggérer une improvisation à partir de la première phrase d'une de ses nouvelles, extrait de son recueil Conte ses nouvelles. Bref, cessons l'introduction et entrons dans l'antre de l'oncle Buck. Et on a endormi le bègue. Faut pas le réveiller. Il sommeille, il sommeille. L'antre Buck, on l'a ici. On a tourné là-bas. La première phrase. Le bègue. Est-ce qu'il dort? La première phrase, c'est « Je sortais, le bègue dort-il? Est-ce que le bègue dort? » Il dort. Hey, monsieur. Je sortais d'une période de biture. Hey, en passant, là, saviez-vous que Diane Dufresne, tu l'as dit, était bègue? Oh, mon Dieu, c'est une nouvelle. Une nouvelle de Renal Express. Et c'est moi, là. C'est pas très express parce que si les gens t'ont écouté récemment, là, tu l'as dit il y a peut-être un mois et demi. Je me répète. Tu te répètes. Ça va bien? Ça va très bien. Mon émission est bonne? Ah, c'est presque bon. Presque bon? Ça va dans le moins bon à presque bon. Moins bon à presque bon. Moyen? Très moyen. Plus que moyen? Plus que moyen. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Trompe-toi pas de parole. Mais non, c'est écrit. Allez, allez, allez, allez. Allez, enfants. Allez, enfants, jouez dans la prairie. Chantez, chantez le doux parfum. Non, c'est chantez, santé. Chantez, santé, chantez, chantez. Un, deux. Allô, allô, allô. Arrêtez de chanter. OK. Doux souvenir. Est-ce que je peux faire. Craque ta chaise. C'est bon, hein? C'est très bon. C'est très bon. Petits enfants jouaient dans la prairie, chantaient, sentaient le doux parfum des fleurs. Chantez, chantez, le restant de ma vie. Un jour, hélas, vous verserez des pleurs. Tout souvenir de ma vieillesse, venez à moi. Petits enfants, je ferai de vous une une caresse pour oublier mes cheveux blancs. Maintenant, la phrase de Charles Bukowski, c'est « Je sortais d'une période de biture qui m'avait coûté mon boulot, ma piole et peut-être ma tête. » Quoique ma tête n'était pas très solide, parce que je faisais des spectacles ici et là avec ma perruque blanche et puis ma pipe à la main. On m'avait fait une pipe. Et on m'avait gossé une belle pipe. Là. Gossé, ça veut dire travailler dans le bois. Là. Oh, on m'avait travaillé dans le bois. Oui, donc, on m'a travaillé dans le bois. J'avais une bouche là, comme... on m'a travaillé dans le bois. Là. Je ressemblais un peu à... Comment il s'appelle, là? Mickey Rookie. Dans le lutteur, Mickey Rookie. On m'avait refait le visage la semaine dernière avant de passer à cette émission parce que c'est capté par les télévisions de Renseignement National. C'est pas une télévision, c'est une caméra. Ben, les caméras, c'est une télévision. Là, ça va se propager partout à France Passe, et puis à Europass, puis à Trépasse. Oh mon Dieu, Trépasse, m'entendez-vous? Attendez, Madame Trépasse. C'est quoi, c'est Trépasse? C'est dans le ciel. Trépasse. Hey, mais t'es capté en HDDD. Hey, monsieur, c'est tout aussi gros que Dolly Parton. DDD, HDDD, m'entendez-vous? Madame, êtes-vous là? Oh, c'est l'eau de l'as. Amado, ça fait peur, hein? HDDD, vous m'entendez? Oh, c'est l'odeur! HDDD, c'est riri! Ben, disons, récupération, résurgence, et puis résignance et réputation déjà descendue en bas des nids. Ah, riri, vous êtes là? Oh, non! Hey, on était en train de descendre en bas, là, on pleurait avec les rats de chat de gouttière. Connaissez-vous ça, les rats de chat de gouttière, vous? Oh, c'est l'eau de l'as! Ben, lâchez-moi l'eau de l'as, vous, là, là. Ben, en fait, restez dans l'eau de l'as parce qu'il y a trop de monde en bas, là, aussi. Pouvez-vous... attendez, dites-moi encore la phrase, là. Merci. Oh, c'est l'eau de l'as! Merci. Pourriez-vous venir chercher des gens ici en bas pour monter en haut? On est déjà très plein, là. Trop de... J'ai des noms ici. Pouvez-vous arrêter. Madame, vous êtes... Oh, c'est l'eau de l'âge! Merveilleux, merci, je vous embrasse. J'ai des noms ici. Oui, j'ai Jean Malachin à ma chaîne, Sophie Malin, Arénastis, Albert Rodney, Alamazin, Anessin, et puis Anémazin. Je pense qu'on n'a rien compris. Ben voyons donc, le micro ne fonctionne pas. Il fonctionne très bien, mais on a rendu... Mais c'est ça, c'est ce monde-là. Hey! Je tiens à dire, madame, avant que vous partiez dans des musiques qui sont très belles, on était en train de se caresser l'imaginaire. Avant que vous me disiez le titre de la nouvelle de Charles Bukowski, arrêtez l'écho, s'il vous plaît. Merci. Ramenez le voix, la voix. Oh, c'est l'eau de l'art! C'était quand même une pamoison, hein? Vous aimiez ça, là, hein? Bon, c'est calme maintenant, là. On est descendu en bas. Ah, en bas où? Dans les bas-fonds. Les bas-fonds de Gabine? De Gabine, de Jean Gabine. Jean Gabine, la comprenez-vous? Non! Jean Gabine. Gabine qui? Gabine. Jean Gabine, c'est à part... Jean, le grand Jean. Jean, j'en ai plus. Amène-moi là-bas. Le titre de la nouvelle de Bukowski, c'est Le zoo libéré. Libéré de qui? Non, c'est libéré de quoi? Allez-y, madame. Exprimez-vous. Soyez belle. On vous aime comme ça. Hey, c'est beau, ça! C'est très beau. C'est très beau, exprimez-vous comme ça. Ah. a pas d'hasard. Pour me noircir un peu de papier que je blanchis dans ma guitare. Il y a un hasard dans le... Oui, monsieur Thibodeau. Oui! Il y a un hasard dans le guitare. Non, il y a un hasard dans la guitare. Oui, mais il n'y avait pas d'hasard là-dessus parce qu'on a oublié de changer de disque. Oh! Changer de disque, c'est très important, surtout à cette émission 6. Mais si vous voulez arrêter, là, oui, enlever ça, expulser mon ami, mon grand ami. Est-ce qu'on peut le nommer? Ben oui, parce qu'on lui a retiré quand même le goût de revenir à Errance Rénaldienne. C'était René Flagol qui nous a chanté la chanson, la grande chanson qui s'appelle Roman. Vous vous souvenez, il y a quelques minutes? Bon, ça vous a fait du bien? Non, pas du tout, là. Je voulais entendre Flagol. Ben oui. Mais pour que les gens se remémorent un peu ce qui s'est passé avant qu'on le retire. Ah, mon doigt, à la troisième prise? Non, au deuxième doigt. En fait, j'avais le doigt dessus, mais je me disais, mon cerveau ne voulait pas capter. Ah, mon Dieu, ça arrive souvent, hein? Très souvent, très souvent. Arrêtez l'écho puis amenez le Flagol. Oui, on va l'avoir ici comme ça, merci. Vous vous souvenez? C'est lui. René Flagol. Mais là, c'est pas cet être que nous allons laisser s'exprimer, parce que vous l'avez entendu. On n'est pas sérieux quand on a 17 ans. C'est allô? Ça. Allô? Oui, c'est moi. Oui, c'est Renard. Mes cousins, mes proches. Attends. Qui es-tu? Allô? Allô? Oui. Ouais. Oui, c'est ça. C'est encore moi. Ah oui. Allez, cousin. Hey, mes salut. Proches. Ça va bien? Bon. C'est Renard. T'es toujours mon petit bout, mais ne confonds pas tout, cousin. Calme-toi. Ne le prends pas comme ça. Je t'aime encore beaucoup, mais l'amour n'est pas tout, cousin. Cesse de pleurer, tu vas tout gâcher. T'es toujours mon ami, mais te voilà grandi. Ne fais pas l'enfant, tu n'as plus 12 ans. Je t'avais prévenu, c'est toi qui as voulu. Ne regrette rien. C'était vraiment bien. Je t'aime comme un frère. Ne me fais pas la guerre, cousin. Je garde au fond de moi la fièvre de tes doigts, cousin. Couché sous ta tente, au nez de ma tante. Je n'ai pas effacé le mot que tu traçais, cousin. Je sens ton stylo couler sur ma peau, tes cheveux dans mon cou. Mais c'était le mois d'août. Le temps va passer, tu seras au lycée. Le bourreau d'autres cœurs, je connais ça par cœur. Tu as de l'avance, ne boude pas ta chance. Je t'aime comme un frère, ne me fais pas la guerre, cousin. Si on ouvrait les volets, n'oublie pas ce que je t'ai dit. Un aliment, je sais pas, une amande. Pourquoi? Chocolaté, non? Non, okay, fraîche. Ok. Parce que je crois que c'est le fruit que je préfère. C'est celui qui dure le moins longtemps dans l'année. Il faut vraiment les cueillir dès qu'elles sont mûres. Il y en a très peu parce que les amandiers, c'est très fragile comme arbre. Et donc... quand j'en vois quelque part, en général, je me jette dessus. Avec un bon verre d'eau, hein, c'est ta boisson préférée? Ouais, moi je bois beaucoup de tisane, de thé, okay. De... voilà. Si tu étais une saison? Une saison, l'été. Pourquoi? Parce que, je sais pas, je suis une fille du sud. Mm-hmm. Alors, t'aimes la chaleur, t'aimes ouais. Le soleil, t'aimes les oiseaux, tout ce qui entoure le soleil, la gaieté, ouais. la joie de vivre, ouais, voilà. La beauté de l'été. Mm. Si tu étais un membre corporel? Une main. Pourquoi? Parce que c'est mon outil de travail number one. Pour écrire, pour jouer, pour... Ouais. Avec la voix, bien sûr. Oui, oui, mimer pour... un peu comme Gréco, la main de, à travers l'éclairage qui coupe à un moment donné, on voit juste la main. C'est merveilleux, c'est vrai. On roule sa bille, on roule sa bosse. On roule, on s'étrie, on se rosse. On roule vers d'infini possible. On roule vers d'improbables cibles. On roule, des mécaniques. On roule sans clope, on roule en buick. On roule, sous la crosse et sans cric. On roule pour son boss, pour des briques. On roule, è pericoloso spocersi. On roule encore. On roule, on glisse le long du bord. On se hisse et dans un effort. On roule, les abysses, on remonte alors. On roule ses amis, ses voisins. On roule sur l'or ou sur son chien. On roule sans remords et sans frein. On roule à tort, on roule à jeun. On roule, è pericoloso spocersi. Allô, voyageur, le conducteur vient de sauter. Pericoloso spocersi. Allô, voyageur. À toute vapeur, on est lancé. Pericoloso spocersi. Ainsi aux voyageurs, n'ayez pas peur, allez, allez. On roule à droite, on roule à gauche. On roule, on s'emboîte, on se fauche. On roule en boule, on roule en liesse. On roule ma poule, roule les jeunesses. On roule, on roule toujours. On roule contre, on roule pour. Possible amour. On roule le compte à rebours. On roule. È pericoloso spocersi. Allez, voyageurs, n'ayez pas peur. Allez, allez. On roule bien dans les rails. On roule et vaille que vaille. On roule pour qui, on roule vers quoi. On roule. Nos vies jetées le long des voies. On roule droit vers la mort. On roule dans le décor. Vers la mort, on roule dans le décor. Roule, è pericoloso spocersi. Allez, aux voyageurs, le conducteur vient de sauter. Pericoloso spocersi. Allez, aux voyageurs qui cueillent des fleurs le long des quais. È pericoloso. Allez, aux voyageurs, à toute vapeur, on est lancé. Pericoloso spocersi. Allez, aux voyageurs, n'ayez pas peur. Allez, allez. Et tout s'allume. Ça s'allume. Loin des passions comme une brume. Ouh, la brume. Elle m'enveloppe dans son Allô? Allô? Ça va bien? Oh, une salope et son idiot. Salope? Sans images et sans bruit. Que c'est beau une télé. Comme une clarté, que c'est beau, une télé. Oui, monsieur, sans images et sans bruit. Que c'est beau une télé. Oui, on vous en parle. Comme une clarté, que c'est beau, une télé. Télé. Sans images et sans bruit. Que c'est beau une télé. Comme une clarté, que c'est beau, oh, c'est beau, hein, c'est beau. Mais c'est plus beau une radio. CKRL, errance rénaldienne, c'est la plus belle des radios. On vous entend à CKRL, mais pas à la télé. Devant l'écran, oui, je me sens mieux. J'ai tout le temps, c'est lumineux. Aucune image, mais de la neige. De la neige. C'est mon dopage, quel privilège. Oh, à Québec, c'est la neige. Pas un seul son, plus aucun bruit. Oh, un ultrason, mon parapluie. Mon parapluie. Arthur, c'est l'hiver, c'est le Québec. C'est CKRL, c'est Errance Rénaldienne. Séance, c'est le matin. C'est le matin. Sans images et sans bruit. Que c'est beau une télé. Comme une clarté. Que c'est beau, que c'est beau. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Ok, c'est beau, une c'est beau. Télé. C'est très beau. Oh, oui. C'est sans mieux de la radio. Et sans bruit. Que c'est beau une télé. Mais la radio, que c'est beau. Comme une clarté. Que c'est beau, que c'est beau. Une radio, que c'est beau. C'est KRL. Sans images et sans bruit. Que c'est beau, c'est KRL. Que c'est beau une télé. Radio. Comme une clarté. Que c'est beau, que c'est beau. Une radio. Une c'est télé. Même une radio, c'est pas beau, c'est belle. Oh! Hey! Arthur! T'as mis le corps. Arthur! Où t'as mis le corps? Le corps! Le corps! Le corps! Le corps! Le corps! Le corps! Le corps! Je m'accorde à ta voix. C'est KRL 89.1 à Québec. c'est beau que c'est beau. Une télé sans image et sans bruit. Que c'est beau une télé. Comme une carte. Et que c'est beau que c'est beau que c'est beau que c'est beau. Une télé. Mais surtout une radio. Vous étiez à Errance Rénaldienne, CKRL, le 89.1, puis malheureusement, c'est la fin. On ne peut pas faire l'improvisation de l'atelier d'improvisation. Merci à Nina de nous avoir quand même supportés pendant autant de semaines. Et puis merci à vous aussi, auditeurs et auditrices. Comment ça? Ben parce qu'on les remercie. Oh mon Dieu, bravo! Si vous êtes membre, sinon, ben quoi? On vous encourage fortement de l'aide pour encourager cette radio aussi folle, aussi respectueuse des auditeurs qu'elle veut bien s'en amener à travers toute la capacité sonore que vous pouvez capter au 89.1 du lundi au dimanche. C'est beau, hein? C'est très beau, mais on sentait la relâche. Ah, ben oui, mais c'était une relâche bien amenée. Parce que quoi? Parce qu'il est trop tard maintenant. J'ai jamais trop tard pour dire merci. Ah, ça, t'as entièrement raison, là, mais là, il faut dire bye-bye à la prochaine. Oui, mais si on veut m'écrire, ben on te le dira tout à l'heure. Ben, comment ça, on me le dira tout à l'heure? Ben, tu vas comprendre. Ah, ben. Parce qu'entre les deux, il y a un arrêt. Attends, le public, là. Non, on continue. Oh, on n'arrête pas. On ne peut pas arrêter. Je les voulais à mille paillettes. Je les voulais trop belles pour moi. Je les voulais qui font la fête. Je les voulais tout aux abois. Je les voulais tout dans mes bras. Je les voyais belles et fragiles. Je les rêvais belles et fragiles. Je les rêvais tellement dociles. Je les voulais et je me noie. Assis tout seul sans queue ni tête. Tout seul ma gueule encore une fois. Je me revois tel un pacha. Dans un grand lit plein de Fatma. Entouré de 100 000 paillettes. Y'avait Francine, y'avait Ginette. Y'avait la Louise et Roberta. Je m'y revois tel un pacha. Je m'y revois et je me noie. Assis tout seul sans queue ni tête. Y'a plus ni tambour ni trompette. Tout seul ma gueule encore une fois. Tout seul ma gueule je m'y revois. Y'avait Francine, y'avait Ginette. Y'avait la Louise et Roberta. Je les voulais trop belles pour moi. Je les voulais tout à mille paillettes. Assis tout seul sans queue ni tête. Y'a plus ni tambour ni trompette. Y'a plus la Louise, y'a plus Ginette. Y'a plus Francine, y'a plus que ma tête. Entouré de 100 000 paillettes. Encore une fois je m'y revois. Je les voulais trop belles pour moi. Je les voulais qui font la fête. Je les voulais tout aux abois. Je les voulais tout dans mes bras. Je les rêvais belles et fragiles. Je les rêvais tellement dociles. Je les voulais et je me noie. Assis tout seul sans queue ni tête. Tout seul ma gueule encore une fois. Je me revois tel un pacha. Entouré de 100 000 Fatma. Dans un grand lit plein de paillettes. Y'avait Francine, y'avait Ginette. Tout seul ma gueule encore une fois. Tout seul ma gueule je m'y revois. Y'avait Francine, y'avait Ginette. Y'avait la Louise et Roberta. Dans un grand lit à 1000 paillettes. Je les voulais trop belles pour moi. Je les voulais à 1000 paillettes. Je les voulais trop belles pour moi. Je les voulais qui font la fête. Je les voulais tout aux abois. Je les voulais tout dans mes bras. Je les rêvais belles et fragiles.

toujours la Cayenne que nos vimos la noche cuando nos conocimos. Adoro las cosas que me dices, nuestros ratos felices, los adoro, vida mía. Adoro la forma en que sonríes y el modo en que a veces me riñes. Adoro la seda de tus manos, los besos que nos damos, los adoro, vida mía. Y me muero por tenerte junto a mí, cerca, muy cerca de mí, no separarme de ti. Y es que eres mi existencia, mi sentir, eres mi luna, eres mi sol, eres mi noche de amor. Adoro el brillo de tus ojos, lo dulce que hay en tus labios rojos. Adoro la forma en que me besas y hasta cuando me dejas. Yo te adoro, vida mía. Y me muero por tenerte junto a mí, cerca, muy cerca de mí, no separarme de ti. Y es que eres mi existencia, mi sentir, eres mi luna, eres mi sol, eres mi noche de amor. Adoro el brillo de tus ojos, lo dulce que hay en tus labios rojos. Adoro la forma en que me besas y hasta cuando me dejas. Yo te adoro, vida mía. Yo te adoro, vida mía. Mes chers amis, si si je vous ai bien compris, vous êtes en train de dire à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois.